Chapitre 17e. Barbara au comble de ses vœux. L'aube avait paru, mais le ciel était toujours obscurci de nuages et la terre couverte de neige. Cornélie déjeunait dans son lit. C'était un luxe qu'elle ne s'était pas permis depuis bien des années. Carlyle se rendit auprès de Richard dès qu'il fut levé. « Richard, lui dit-il, il ne faut pas que vous en alliez avant la nuit. » Je voudrais même vous retenir plus longtemps, mais ce serait dangereux, car les domestiques le sauraient bien vite. Vous songez, m'avez-vous dit, à vous rendre à Liverpool ou à Manchester? Oui, car traqué comme je le suis à présent, je ne puis me cacher que dans une grande ville. Tout me porte à croire, Richard, que Thorne n'a voulu que vous effrayer. S'il est réellement le coupable, il a le plus grand intérêt à ne pas faire de bruit. Ce qui peut lui arriver de pire, c'est votre arrestation. Alors à quoi bon me poursuivre, lancer la police après moi? C'est un tour auquel il a eu recours pour vous faire peur. Quand un policeman veut arrêter un homme, il ne se montre pas à lui, comme a fait celui qui vous suivait. Oui, tout cela me semble assez juste. Pour un individu de son rang, être soupçonné d'un meurtre, c'est se perdre sans ressources aux yeux des personnes du même rang. J'ai bien de la peine à croire qu'il soit d'un rang élevé. Vous avez tort, monsieur Carlyle, vous avez tort. Tenez. Si je ne craignais de vous faire de la peine, en réveillant des souvenirs du passé, je vous dirais avec qui je l'ai vu se promener. Dis toujours, mon jeune ami, cela m'obligera. Eh bien, monsieur, je l'ai vu deux fois en compagnie de Sir Francis Levison. Ils ont l'air très intimes. En ce moment, on entendit une voix bruyante, précipitée, furieuse. Elle partait de l'escalier. Richard tressaillit, car il venait de reconnaître la voix de son père. Pour la première fois de sa vie, Carlyle fut sur le point de perdre son calme, son sang-froid habituel. Il courut à la porte, oubliant ce qu'avait dit Joyce, que la porte était fermée et la clé perdue. Quant à Richard, en proie à l'agitation la plus vive, il fixait ses yeux effarés sur une malle vide, se demandant s'il pourrait s'y réfugier. « Calmez-vous, Richard, » murmura l'avoué, en s'efforçant lui-même de cacher sa frayeur. « Il n'y a pas encore péril dans la demeure. Je me charge de lui tenir tête. » Carlyle descendit les marches 4 à 4, prit amicalement le juge par le bras et l'emmena dans un des petits salons. « Bonjour, cher juge. Quoi, vous avez eu le courage de braver la neige? Qu'y a-t-il donc et pourquoi êtes-vous si agité ?»« Agité ?» cria le juge qui arpentait la chambre à grands pas, comme un acteur de province. « Agité !»« Est-ce que vous ne le seriez pas agité si vous aviez pour fils un brigand pareil? Mais encore, que vous est-il arrivé ?» « Lisez cette lettre, et vous le saurez. Lisez, lisez donc !» Carlyle prit le billet que lui présentait le juge et le parcourut rapidement. Dans ce billet, signé un ami, on informait M. Hare de l'arrivée de son fils à West Lyne et on lui donnait le conseil de le faire repartir au plus vite, de peur qu'il ne fût arrêté par la police. « Cette lettre est anonyme, » fit Carlyle en la lui rendant. « Je le sais bien, » répliqua le juge en frappant du pied. « Une lettre anonyme est pour moi une ordure, que je m'empresse de jeter au feu, » poursuivit l'avoué en souriant de mépris. « Mais enfin, Richard est-il à West Lyne? Voilà la question. Voyons, est-il même raisonnable à vous de le supposer? Voulez-vous, mon cher juge, que je vous dise sincèrement mon opinion? Je crois que dans toute cette affaire, vous êtes votre propre bourreau. Ah, par exemple, voilà qui est fort !» riposta vivement M. Hare. « Moi, mon propre bourreau. Écoutez-moi jusqu'au bout. Je veux dire que vous vous laissez tourmenter inutilement. Je veux dire que cette lettre anonyme, que tous ces bruits que l'on fait circuler, ne peuvent provenir que d'un mauvais plaisant qui s'amuse à vos dépens. Toutes ces suppositions-là n'ont pas le sens commun, » interjeta le juge, « et qui oserait s'amuser ainsi à mes dépens, je vous prie ?»« Qui, c'est ce que nous ne saurons probablement pas de sitôt. Les méchants sont malins. Suivez mon conseil et brûlez cet écrit. Ah, mon cher monsieur Hare, il y a quelqu'un qui a dû rire sous cap. » En vous voyant patauger ce matin dans la neige, car on aura deviné que vous m'apportiez cette lettre pour me consulter. Si je savais que le billet vient d'un habitant de West Lyne, je ferais comparaître aujourd'hui même toute la paroisse devant moi. En attendant, je vais courir au bureau de police pour faire arrêter ce fils maudit au cas où il se présenterait ici. Non, vous ne ferez pas cela, s'écria Carlyle avec fermeté. D'abord, je vous répète que Richard ne s'aventurera jamais à West Lyne, mais quand il y viendrait, vous êtes son père, et vous ne voudriez pas lancer la meute contre lui. Si d'autres ont peur de vous parler franchement, moi, je n'hésite pas à le faire. Vous vous êtes vanté de livrer votre fils aux mains de la justice. Si vous le rencontriez jamais, et la voie publique, sachez-le, ne vous a pas ménagé, tout juge que vous êtes. Oui, j'ai prêté serment de livrer Richard. Vous n'avez pas juré d'aller en père dénaturé prévenir la police de son arrivée ici. Oh non, cela n'est pas croyable, cela serait inhumain, cruel et barbare, et si vous faites pareille chose, vous pouvez désormais dire adieu à tous vos amis. Pas un, non, pas un, ne voudrait dès lors vous serrer la main. Le juge grommela sourdement quelques mots inintelligibles. Enfin, reprit le juge avec un peu plus de calme, ne reconnaissez-vous pas l'écriture? Pas le moins du monde. Qui donc a pu l'écrire? Avez-vous remarqué que l'enveloppe porte le timbre de Londres? Et qu'importe? Il serait inutile, à Purnem, de faire des recherches pour en découvrir l'auteur. Cela n'aboutirait à rien. Le juge s'en alla. Carlyle le suivit les yeux pendant qu'il descendait l'avenue à grands pas. Puis il alla rejoindre Richard, qu'il trouva en tête à tête avec Mademoiselle Cornélie. Est-il parti? Cria le pauvre garçon. Oui, tout va bien. Que voulait-il? Qu'avait-il appris sur mon compte? Après quelques explications de Carlyle, Richard attribua la lettre à Ford. « Ne verrai-je pas ma mère ? » demanda-t-il ensuite. « Non, cela me paraît impossible, » fit l'avoué. « Après ce qui vient de se passer, il faut être prudent. »« Et Barbara ?»« Oui, elle pourrait venir passer la journée ici, seulement... »« Seulement ?»« Je pense qu'il fait un temps affreux pour qu'elle sorte. »« Soyez sans crainte, » s'écria le jeune homme. « Je la connais. Pour me voir, elle braverait les avalanches. Elle traverserait des montagnes de neige. » « Oui, je le sais. » « Mais, » ajouta Carlyle en s'adressant à sa sœur, « il me faut une excuse, un prétexte quelconque. Dirai-je à Madame Hare que vous êtes souffrante et que vous la priez de vous envoyer Barbara afin de vous tenir compagnie ? Dites-lui que je suis morte, si vous voulez, » répliqua Cornélie qui était dans un de ses accès de mauvaise humeur. Carlyle commanda le Tilbury et se rendit aussitôt à la maison du juge. Madame Hare et sa fille étaient toutes deux assises auprès du feu lorsqu'arriva l'avoué. « Je suis venu vous enlever Barbara, » fit-il en entrant dans le salon. « Enlever Barbara ?» répéta Madame Hare, qui n'avait pas eu connaissance de la lettre anonyme. « Oui, Cornélie est malade, elle a un rhume assez violent, et voudrait que votre fille passe la journée auprès d'elle. »« Ma mère est elle-même très souffrante aujourd'hui, » objecta Mademoiselle Hare, « et je n'ose vraiment la laisser seule. » Car là, il cherchait le moyen de dire un mot à Barbara. Pendant qu'il y songeait, un domestique se montra à la porte du salon. Madame Hare se leva pour aller lui donner quelques ordres, et Carlyle saisit avec empressement cette occasion pour engager Barbara à ne pas refuser l'invitation, lui annonçant qu'il s'agissait de son frère. Elle le regarda d'un air surpris, et une vive rougeur colora son visage. Madame Hare revint s'asseoir dans son fauteuil. « Quelle froide journée, Archibald, » s'écria-t-elle. « Je suis sûr que votre sœur n'attend pas Barbara. Je vous demande pardon, » reprit l'avoué. J'ai là mon Tilbury pour l'emmener avant d'aller à l'étude. Voyons, Barbara, préparez-vous, votre mère le permet. Mais vous allez vous enrhumer, mon enfant, poursuivit la vieille dame. Oh non, ma mère, je m'envelopperai bien. Et je me charge de vous la ramener ce soir, ajouta Carlyle. Au bout de quelques minutes, ils étaient installés dans le Tilbury. Barbara aurait bien voulu questionner Carlyle. Elle en brûlait d'envie, mais le domestique, assis derrière eux, aurait tout entendu. Arrivé à East Lynne, Carlyle le mena dans la salle à manger. « Barbara, préparez-vous à une grande surprise. » L'attente, la crainte, la firent pâlir. « Est-il survenu quelque chose à Richard ? » demanda-t-elle vivement. « Non, rassurez-vous, mais il est ici. Ici et où donc ? Ici même, sous ce toit. Il y a passé la nuit dans la chambre à coucher voisine de celle de ma sœur. » Après quelques autres explications, l'avoué conduisit la jeune fille dans la salle où Cornélie tricotait pour désennuyer Richard. Et les laissant tous trois ensemble, ils sortirent de nouveau pour se rendre à son étude. Frères et sœurs tinrent longtemps conseil, Cornélie se mêlant à la conversation. Barbara se fit raconter 10 fois en détail ses entrevues à Thorne. 10 fois, elle exposa ses conjectures sur l'identité de ce Thorne. « Enfin, Richard, lui dit-elle, il faudrait tâcher de découvrir quelqu'un de sa connaissance. Je l'ai vu en compagnie d'une personne que nous connaissons tous, mais qui ne nous donnera aucun renseignement. « J'en suis sûr. »« De qui veux-tu parler ?» fit la sœur. « De Sir Francis Levison, » répliqua tranquillement Richard. Cornélie bondit sur son fauteuil. Ses lèvres firent une grimace hideuse. « Qui ?» reprit Barbara stupéfaite. « Tu connais donc ce Levison ?»« Assurément, je le connais. » Barbara paraissait absorbée dans une profonde rêverie. Thorne et Levison se ressemblent-ils ? Demanda-t-elle subitement. Énormément. Ce sont deux scélérats fiefés. Ce n'est pas cela. Je te demande s'ils se ressemblent physiquement. Pas le moins du monde. Barbara retomba dans ses réflexions. Avec le soir, arriva le moment du départ. La neige, qui vers midi avait cessé de tomber, recommençait maintenant de plus belle. Carlyle remit à Richard l'argent qui lui était nécessaire et lui recommanda de lui écrire et de lui faire connaître sa nouvelle demeure dès qu'il en aurait une. Le malheureux était triste et découragé, presque autant que sa sœur qui, debout près de lui, avait peine à retenir ses larmes. On les voyait glisser une à une et tomber comme des perles sur la soie de sa jolie robe. Il descendit l'escalier à la faveur d'un ample manteau que lui avait prêté Cornélie et qu'il enveloppait de la tête aux pieds. Carlyle tenait ouverte la porte extérieure. « Au revoir, chère Barbara. Si jamais tu racontes cette journée à ma mère, dis-lui bien que mon plus grand chagrin a été de ne pas la voir, d'être parti sans l'embrasser. « Au revoir, mon frère. Puisse le ciel veiller sur toi, » soupira la pauvre enfant. « Adieu, Richard, » fit à son tour Mlle Cornélie, « et tâchez de ne plus faire de sottises, si vous pouvez vous en passer. » Richard pressa dans les siennes les mains de son généreux protecteur, qui l'accompagna quelques instants. Barbara retourna dans la chambre qu'elle venait de quitter. Joey s'y trouvait. « C'est bien triste et bien malheureux pour lui, s'il est réellement innocent, » fit cette dernière. « Comment ?» repartit vivement Barbara. « Doutez-vous donc de son innocence ?»« Non, mademoiselle. » « Après ce qu'il m'a dit, je ne puis plus le soupçonner. Mais comment retrouver maintenant l'homme qui l'accuse ?»« Tenez, Joyce, » poursuivit Barbara en s'emparant avec ardeur des mains de la servante. « Je crois le connaître, ce Thorne. Je n'en ai jamais dit mot à personne, mais aujourd'hui, il faut que je parle. » De nombreux pressentiments m'accablent. Je ne puis plus me taire. Sachez donc que j'ai depuis longtemps la conviction que ce Thorne n'est autre que Sir Francis Levison. « Dieu du ciel, que dites-vous là, mademoiselle ?» s'écria Joyce, les yeux effarés. « Oui, » reprit la jeune fille, « telle a toujours été ma pensée depuis cette nuit où Lady Isabelle s'est enfuie. Mon pauvre frère se trouvait alors à West Lynne. Il rencontra cet individu qu'on appelle Thorne. Il le rencontra dans la ruelle aux bœufs. Il était vêtu comme pour une soirée, et Richard nous a parlé de la blancheur de ses mains, de sa bague, dont le diamant brillait au clair de lune, d'un geste enfin qui lui était particulier et qui consistait à passer de temps à autre ses doigts dans ses cheveux. « Tout cela me confond et m'embarrasse, » interjeta la servante. « Je n'ai jamais osé communiquer mes soupçons à votre maître, » continua Barbara, « car je ne puis me résoudre à prononcer devant lui le nom de cet homme. » Cette confidence terminée, Barbara s'empressa d'aller rejoindre Carlyle, qui l'attendait au bas de l'escalier pour la ramener chez elle. « Est-ce que vous m'accompagnez ? S'écria-t-elle en le voyant prendre son chapeau. « C'est mon désir, » dit-il en souriant. « D'ailleurs, n'ai-je pas promis à votre mère de vous ramener ?» Barbara s'applaudit dans un coin de la calèche où Carlyle venait de l'aider à monter, et le cœur oppressé de douleur, elle donna un libre cours à ses larmes. « Ne pleurez pas ainsi, Barbara, » fit l'avoué, en se penchant vers elle et en prenant sa main dans les siennes. « J'ai la certitude que de meilleurs jours se préparent pour votre malheureux frère. Oh, merci, merci de ces bonnes paroles. » La voiture s'arrêta. Vous pouvez vous en aller, s'écria l'avoué en s'adressant au cocher. J'en reviendrai à pied. Vous allez donc passer la soirée avec nous, murmura la jeune fille avec joie. Quel bonheur pour ma mère. Et pour moi, semblait-elle dire. Tous deux montèrent l'allée du jardin, mais Barbara avait compté sans son hôte. Madame Hare était au lit et ne pouvait par conséquent recevoir Carlyle. Le juge, de son côté, était sorti. Ainsi donc, Barbara dut tenir compagnie à l'avoué. Ils s'assirent en face d'un feu brillant que reflétait une glace immense. Barbara demeurait silencieuse et pensive. Elle songeait aux événements de la journée. À quoi songeait Carlyle ? Qui pourrait le dire ? Toujours est-il que ses yeux à moitié voilés contemplaient Barbara. Tout à coup, d'une voix douce et lente, il lui dit « Barbara, voulez-vous être ma femme ?» Carlyle avait prononcé ces mots du ton le plus calme et le plus simple. Il n'aurait pas dit autrement. « Voulez-vous une chaise, Barbara ?» Mais quelle transformation subite ces quelques paroles n'opérèrent-elles pas dans l'expression de la jeune fille ? La joie rayonnait sur tous ses traits, ses joues se colorèrent d'émotion et de bonheur. Puis soudain, elle devint pâle et morne. « Non, » fit-elle en secouant tristement la tête. « Non, cela n'est pas possible. Quel est donc l'obstacle, Barbara ?» La pauvre enfant rougit encore et garda le silence. Carlyle, passant son bras autour de sa taille, plongeait ses regards dans les siens. « Voyons, Barbara, pourquoi ne voulez-vous pas être ma compagne chérie ? Dites-le-moi, mais tout bas, bien bas. » Elle fondit en pleurs. « Est-ce parce que j'ai déjà été mariée ? » insista l'avoué. « Oh non, mais c'est le souvenir de cette nuit, de cette scène. Combien je me suis étrangement trahi en cette circonstance. Sans cette scène, Archibald, vous n'auriez jamais songé à me demander aujourd'hui ma main, Barbara. » Elle répondit par un regard plein de tendresse à l'expression douloureuse de sa voix. « Savez-vous, Barbara, que je vous aime ?» Continua à l'avouer avec chaleur. « Oui, je vous aime beaucoup. » « Allons, mon enfant, le bonheur est sous votre main, ne le mettez pas sous vos pieds. » « Vous me parlez de mon bonheur à moi, mais le vôtre, mais le mien, dites-vous, mais il dépend entièrement de votre réponse. » Elle lut dans ses yeux la sincérité de ses paroles, et ses traits s'embellirent du plus suave des sourires, car là elle devina sans effort. « Vous m'aimez donc toujours, Barbara ?»« Plus que jamais, » soupira-t-elle, car là elle la serra contre son cœur, et leurs lèvres se rencontrèrent.